Chapitre 8e. Lorsque Sophie Duterte entra dans le salon où se trouvaient son mari et M. Pascal, le gracieux visage de la jeune femme, plus vivement coloré que de coutume, le léger battement de son sein, ses yeux humides, témoignaient de son récent accès d'hilarité. « Ah ah, Madame Duterte, dit gaiement M. Pascal, je vous ai bien entendu, vous étiez là à rire comme une folle. » Puis, se tournant vers Duterte, qui tâchait de dissimuler ses horribles angoisses et de se rattacher à une dernière espérance, il ajouta « Comme le bonheur les ranguait, ces jeunes femmes. Rien qu'à les voir, ça met la joie au cœur, n'est-ce pas, mon brave Duterte ?»« Je viens de rire, et bien malgré moi, je vous assure, mon bon monsieur Pascal, » reprit Sophie. « Malgré vous, » dit notre homme, « comment, est-ce que quelque chagrin ?»« Un chagrin, oh non, Dieu merci, mais j'étais plus disposé à l'attendrissement qu'à la gaieté. » « Cette chère Antonine, si tu savais, Charles, » ajouta la jeune femme avec une douce émotion en s'adressant à son mari, « je ne puis te dire combien elle m'a émue. Quel aveu à la fois touchant et candide elle m'a fait, car le cœur de la pauvre petite était trop plein, et elle n'a pas eu la force de s'en aller sans tout me dire. » Et une larme d'attendrissement vint mouiller les beaux yeux de Sophie. Au nom d'Antonine, M. Pascal, malgré son rare empire sur lui-même, avait tressailli. Ses préoccupations au sujet de la jeune fille, un instant ajournées, revinrent plus vives, plus ardentes que jamais, et pendant que Sophie essuyait ses yeux, il jeta sur elle un regard pénétrant, tâchant de deviner ce qu'il pouvait espérer d'elle pour une combinaison qu'il formait. Madame Duterte reprit bientôt en s'adressant à son mari. « Mais Charles, je te conterai cela plus tard. Toujours est-il que j'étais encore sous l'impression de mon entretien avec cette chère Antonine lorsque ma petite Madeleine est venue à moi et m'a dit, dans son gentil jargon, de si drôles de raisons que je n'ai pu m'empêcher de rire aux éclats. Mais pardon, monsieur Pascal, votre cœur comprendra et excusera, n'est-ce pas, toutes les faiblesses maternelles. C'est à moi que vous demandez cela, reprit cordialement Pascal, à moi, un bonhomme. C'est vrai, ajouta Sophie avec une affectueuse expansion. Si l'on vous aime tant ici, c'est que vous êtes, voyez-vous, comme vous le dites si bien, un bonhomme. Tenez, demandez à Charles s'il me démentira. Duterte répondit par un sourire contraint, et il eut la force et le courage de se contenir assez devant sa femme pour que celle-ci, tout occupée de M. Pascal, n'eût pas d'abord le moindre soupçon des anxiétés de son mari. Aussi, se dirigeant vers la table et prenant la bourse qu'elle avait brodée, elle la présenta à M. Pascal en lui disant d'une voix touchante « Mon bon M. Pascal, cette bourse est le fruit du travail de mes meilleures soirées, celle que je passais ici avec mon mari, son excellent père et mes enfants. Si chacune de ces petites perles d'acier pouvait parler, » ajouta Sophie en souriant, « elle vous dirait combien de fois votre nom a été prononcé parmi nous, avec tout l'attachement et la reconnaissance qu'il mérite. » « Ah, merci, merci, ma chère Madame Duterte, » répondit Pascal. « Je ne peux pas vous dire combien je suis sensible à ce joli cadeau, à cet aimable souvenir. Seulement, voyez-vous, il m'embarrasse un peu. »« Comment cela ?»« Vous venez de me donner, et moi, je vais vous demander encore. »« Quel bonheur ! Demandez, demandez, mon bon monsieur Pascal !» Puis, s'adressant à son mari avec surprise, « Charles, que fais-tu donc là, assis devant ce bureau ?» « Monsieur Pascal voudra bien m'excuser, je viens de me rappeler que j'ai négligé de revoir quelques notes relatives à un travail très pressé, » répondit Duterte en feuilletant au hasard quelques papiers afin de se donner une contenance et de cacher à sa femme, à qui il tournait ainsi le dos, l'altération de ses traits. « Mon ami, » dit Sophie d'un ton de tendre reproche, « ne pouvais-tu donc pas remettre ce travail et attendre que... » « Madame Duterte, « je m'insurge si vous dérangez votre mari à cause de moi, » s'écria M. Pascal. « Est-ce que je ne connais pas les affaires ? Allez, allez, heureuse femme que vous êtes, c'est grâce à cette ardeur du travail que ce brave Duterte est aujourd'hui à la tête de son industrie. Et cette ardeur pour le travail, qui l'a encouragé, qui l'a récompensé ? N'est-ce pas vous, M. Pascal ? Si Charles était à cette heure, comme vous dites, à la tête de son industrie, si notre avenir et celui de nos enfants est maintenant à jamais assuré, n'est-ce pas grâce à vous ? Ma chère Madame Duterte, vous allez me confusionner, et alors je ne saurais plus comment vous demander le petit service que j'attends de vous. Et moi qui oubliais, reprit Sophie en souriant, Heureusement, c'était pour vous parler de services bien autrement importants, sans doute, que vous nous aviez rendus. Aussi, vous m'excuserez, n'est-ce pas? Mais voyons, vite, vite, de quoi s'agit-il? Ajouta la jeune femme avec un empressement plein de charme. Ce que je vais vous dire va bien vous surprendre, peut-être. Tant mieux, j'adore les surprises. Eh bien, l'isolement de la vie de garçon me pèse et j'ai envie de me marier. Vraiment? Cela vous étonne, j'en étais sûr. Vous vous trompez tout à fait, car selon moi, vous deviez en arriver là. Comment donc? Mon Dieu, souvent je me disais, tôt ou tard, ce bon monsieur Pascal, qui vit tant par le cœur, voudra goûter les chères et douces joies de la famille. Et s'il faut vous avouer mon orgueilleuse présomption, ajouta Sophie en souriant, je me disais même, à part moi, il est impossible que la vue du bonheur dont nous jouissons, Charles et moi, ne donne pas quelques jours à Pascal l'idée de se marier. Maintenant, jugez un peu si je suis heureuse d'avoir pressenti votre projet. Triomphez donc, ma chère madame Duterte, car en effet, séduit par votre exemple et par celui de votre mari, je désire faire comme vous un mariage d'amour. Est-ce qu'il y aurait d'autres mariages possibles? Dit Sophie en haussant les épaules par un mouvement plein de grâce, et sans réfléchir, tout d'abord aux 38 ans de monsieur Pascal, elle ajouta. Et vous êtes aimé? Mon Dieu, cela peut dépendre de vous. De moi? Absolument. De moi? Reprit Sophie avec une surprise croissante. Tu entends, Charles, ce que me dit monsieur Pascal? J'entends, répondit Duterte, qui, non moins étonné que sa femme, écoutait avec une anxiété involontaire. « Comment, monsieur Pascal ? » reprit Sophie. « Je puis faire moi que vous soyez aimé ? » ?»« Vous pouvez cela, ma chère madame Duterte. » « Quoique ceci me semble incompréhensible, que Dieu soit béni. Si j'ai la puissance magique que vous m'attribuez, mon bon monsieur Pascal, » reprit Sophie avec un doux sourire, « alors vous serez aimé comme vous méritez de l'être. » « Comptant sur votre promesse, je n'irai donc pas par quatre chemins. Et je vous avouerai tout bêtement, ma chère madame Duterte, que je suis fou de mademoiselle Antonine Hubert. »« Antonine ?» s'écria Sophie avec stupeur, pendant que Duterte, toujours assis devant son bureau, se tournait brusquement vers sa femme dont il partageait l'étonnement extrême. « Antonine ?» reprit Sophie comme s'il n'avait pu croire à ce qu'elle venait d'entendre. « C'est Antonine que vous aimez ?» C'est d'elle que je suis fou. C'est chez vous, tout à l'heure, que je l'ai rencontrée pour la quatrième fois. Seulement je ne lui ai jamais parlé, et pourtant ma résolution est prise, car je suis de ces gens qui se décident vite et par instinct. Ainsi, quand il s'est agi de venir en aide à ce brave Duterte, en 2 heures la chose a été faite. Eh bien, la ravissante beauté de mademoiselle Antonine, la candeur de son visage, un je ne sais quoi qui me dit que cette jeune personne doit avoir les meilleures qualités du monde, tout a contribué à me rendre amoureux fou et à vouloir chercher dans un mariage d'amour comme le vôtre, ma chère madame Duterte, ce bonheur intérieur, ces joies du cœur, que vous me croyez à juste titre digne de connaître et de goûter. « Monsieur, dit Sophie avec un pénible embarras, permettez-moi de... un mot encore. » C'est un amour de première vue, direz-vous, soit. Mais il y a 20 exemples d'amour aussi soudain que profond. D'ailleurs, ainsi que je vous l'ai dit, je suis tout bonnement un homme d'instinct, de pressentiment. D'un seul coup d'œil, j'ai toujours jugé une affaire bonne ou mauvaise. Pourquoi ne suivrais-je pas, pour me marier, une méthode qui jusqu'ici m'a parfaitement réussi? Je vous ai dit qu'il dépendait de vous, que mademoiselle Antonine m'aima. Je m'explique. À 15 ans... il ne paraît avoir guère plus que cet âge. Les plus jeunes filles n'ont pas de volonté à elles. Vous avez servi de mère à mademoiselle Antonine, à ce que m'a dit monsieur Duterte. Vous possédez sur elle un grand empire, puisqu'elle vous choisit pour confidente. Rien ne vous sera plus facile en lui parlant de moi d'une certaine façon, lorsque vous m'aurez présenté à elle, et ce, pas plus tard que demain, n'est-ce pas? Il vous sera, dis-je, très facile de l'amener à partager mon amour et à m'épouser. Si je vous devais ce bonheur, ma chère madame Duterte, tenez, ajouta M. Pascal d'un ton sincère et pénétré, vous parlez de reconnaissance, eh bien, celle que vous dites avoir pour moi serait de l'ingratitude auprès de ce que je ressentirais pour vous. Sophie avait écouté M. Pascal avec autant de trouble et de chagrin que de surprise, car elle croyait, et elle avait raison de croire à la réalité de l'amour, ou plutôt de l'irrésistible ardeur de possession qu'éprouvait cet homme. Aussi reprit-elle d'un ton pénétré, car il lui coûtait de renverser des espérances qui lui semblaient honorables, « Mon pauvre monsieur Pascal, vous me voyez désolé de ne pouvoir vous rendre le premier service que vous me demandez. Je n'ai pas besoin de vous dire combien je le regrette. Qu'y a-t-il donc d'impossible ? Croyez-moi, ne songez pas à ce mariage. Mademoiselle Antonine ne mérite-t-elle pas ? Antonine est un ange. Je la connais depuis son enfance. Il n'est pas au monde de cœur, de caractère meilleur. Ce que vous me dites là, ma chère madame Dutertre, suffirait pour augmenter mon désir, s'il pouvait l'être. Encore une fois, ce mariage est impossible. Mais enfin, pourquoi ? D'abord, songez-y, Antonine a 15 ans et demi à peine, et vous ? Et moi j'en ai 38. Est-ce cela ? La différence d'âge est bien grande, avouez-le. Et comme je ne conseillerais ni à ma fille ni à ma sœur un mariage aussi disproportionné, je ne puis le conseiller à Antonine, car je ne voudrais à aucun prix son malheur et le vôtre. Oh, soyez tranquille, je vous réponds de mon bonheur à moi. Et de celui d'Antonine ? Bon, pour quelques années de plus ou de moins. Je me suis marié par amour, mon bon Pascal. Je ne comprends pas d'autre mariage. Peut-être est-ce un tort. Mais enfin, je pense ainsi, et je dois vous le dire puisque vous me consultez. Selon vous, je ne suis donc pas capable de plaire à mademoiselle Antonine ? Je crois qu'elle apprécierait, comme Charles et moi, comme tous les cœurs généreux, la noblesse de votre caractère, mais... Encore une fois, ma chère madame Dutertre, permettez. Un enfant de 15 ans n'a pas d'idée arrêtée au sujet du mariage. Mademoiselle Antonine a en vous une confiance aveugle. Présentez-moi elle, dites-lui toutes sortes de bien du bonhomme Pascal. L'affaire est sûre, si vous le voulez, vous le pouvez. Tenez, mon cher monsieur Pascal, cet entretien m'attriste plus que je ne saurais vous le dire. Pour y mettre un terme, je confierai un secret à votre discrétion et à votre loyauté. Eh bien, ce secret ? Antonine aime, et elle est aimée. Ah, monsieur Pascal, rien n'est à la fois plus pur, plus touchant que cet amour. Et pour bien des raisons, je suis certaine qu'il assurerait le bonheur d'Antonine. La santé de son oncle est chancelante. Que la pauvre enfant le perde, elle est obligée d'aller vivre chez des parents qui, non sans raison, lui inspirent de l'éloignement. Une fois mariée, au contraire, selon son cœur, elle peut espérer le plus heureux avenir, car sa vive affection est noblement placée. Vous le voyez donc bien, mon bon monsieur Pascal, vous n'auriez même, avec mon appui, aucune chance de réussir, et cet appui, en mon âme et conscience, puis-je vous l'accorder, lorsqu'en dehors même d'une disproportion d'âge selon moi inadmissible, je suis certaine, et je n'affirme jamais rien légèrement, je suis certaine que l'amour que ressent et qu'inspire Antonine doit la rendre à jamais heureuse. » À cette affirmation de l'amour d'Antonine pour Franz, secret déjà demi-pénétré par M. Pascal, celui-ci éprouva un cruel sentiment de rage et de douleur, encore exaspéré par le refus de Mme Dutertre, qui ne voulait en rien servir des projets qui lui semblaient irréalisables. Mais il se contint afin de tenter un dernier effort et, s'il échouait, de rendre sa vengeance plus terrible encore. Il reprit donc avec un calme apparent. « Ah, mademoiselle Antonine est amoureuse, soit. Mais nous connaissons ces grandes passions de petite fille, ma chère madame Dutertre, un vrai feu de paille. Or, vous soufflerez dessus, il s'éteindra. Ce bel amour ne résistera pas à votre influence. » D'abord, je n'essaierai pas d'influencer Antonine à ce sujet, monsieur Pascal. Puis ce serait inutile. Vous croyez ? J'en suis certaine. Bah, essayez toujours. Mais je vous dis, monsieur, qu'Antonine est amoureuse, c'est entendu. De plus, le bonhomme Pascal a 38 ans et n'est pas beau, c'est évident. Mais aussi, en revanche, il a de beaux petits millions. Et lorsque ce soir, car vous irez ce soir, n'est-ce pas ? J'y compte. Vous aurez fait comprendre à cet ingénu que si l'amour est une bonne chose, l'argent vaut encore mieux, car l'amour passe et l'argent reste. Elle suivra vos conseils, congédiera dès demain son amoureux, et je n'aurai plus qu'à dire « Gloire et merci à vous, ma chère madame Dutertre. » Sophie regarda M. Pascal avec autant d'étonnement que d'inquiétude. Sa délicate susceptibilité de femme était cruellement froissée. Son instinct lui disait qu'un homme parlant comme M. Pascal n'était pas l'homme de cœur et de droiture qu'elle avait cru jusqu'alors trouver en lui. À ce moment aussi, Duterte se leva dans une douloureuse perplexité. Pour la première fois, sa femme remarqua l'altération de ses traits et s'écria en faisant un pas vers lui « Mon Dieu Charles, comme tu es pâle! Tu souffres donc ?»« Non, Sophie, je n'ai rien, une légère migraine. »« Moi, je te dis que tu as autre chose. Cette pâleur n'est pas naturelle. Monsieur Pascal, regardez donc, Charles !»« En effet, mon brave Duterte, vous ne paraissez pas à votre aise. » »« Je n'ai rien, monsieur, » répondit Duterte d'un ton glacial qui augmenta la vague appréhension de Sophie. Elle regardait tour à tour et en silence son mari et M. Pascal, tâchant de pénétrer la cause du changement qu'elle remarquait et dont elle se sentait effrayée. « Voyons, mon cher Duterte, » reprit M. Pascal, « vous avez entendu notre entretien. Joignez-vous donc à moi pour faire comprendre à votre chère et excellente femme que Mademoiselle Antonine, malgré son fol amour de petite fille, ne peut trouver un meilleur parti que moi. Je partage en tout, monsieur, la manière de voir de ma femme à ce sujet. Comment, méchant homme, vous aussi? Oui, monsieur. Réfléchissez donc que, ma femme vous l'a dit, monsieur, nous avons fait un mariage d'amour, et comme elle, je crois que les seuls mariages d'amour sont heureux. Marchandez Antonine, dit Sophie avec amertume, moi, lui conseiller de faire un acte de révoltante bassesse, un mariage d'intérêt, se vendre en un mot, lorsque tout à l'heure encore elle m'a avoué son pur et noble amour. Ah, monsieur, je me croyais plus dignement connu de vous. Allons, voyons, mon cher Duterte, vous, homme de bon sens, avouez que ce sont là des raisons de roman. Aidez-moi donc à convaincre votre femme. Je vous le répète, monsieur, je pense comme elle. Ah ! S'écria M. Pascal. « Je ne m'attendais pas à trouver ici des amis si froids, si indifférents à ce qui me touche. »« Monsieur, » s'écria Sophie, « ce reproche est injuste. »« Injuste, hélas, je le voudrais. Mais enfin, je n'ai que trop raison. Tout à l'heure, votre mari accueillait par un refus une de mes demandes. Maintenant, c'est vous. Ah, c'est triste, triste. Sur quoi compter désormais ?»« Quel refus ?» dit Sophie à son mari de plus en plus inquiète. « De quel refus s'agit-il, Charles ?»« Il est inutile de parler de cela, ma chère Sophie. »« Je crois, moi, au contraire, » reprit Pascal, « qu'il serait bon de tout dire à votre femme, mon cher Duterte, afin d'avoir son avis. »« Monsieur !» s'écria Duterte, en joignant les mains avec effroi. « Allons, est-ce que dans un mariage d'amour, » reprit Pascal, « l'on a des secrets l'un pour l'autre ?»« Charles, je t'en supplie, explique-moi ce que cela signifie. Ah, j'avais bien vu, moi, que tu souffrais. Mais, monsieur, il s'est donc passé quelque chose entre vous et Charles ? » dit-elle à Pascal d'une voix suppliante. « Répondez-moi de grâce. » « Mon Dieu, il s'est passé quelque chose de fort simple. Vous allez en juger, ma chère madame. »« Monsieur !» s'écria Duterte. « Au nom de la reconnaissance que nous vous devons, au nom de la pitié, pas un mot de plus. Je vous en supplie. » car je ne croirai jamais que vous persistiez dans votre résolution. Et alors, à quoi bon donner à ma femme des inquiétudes inutiles ? Puis s'adressant à Madame Duterte, il ajouta « Rassure-toi, Sophie, je t'en conjure. » Le père Duterte, qui de sa chambre avait entendu les voix s'élever de plus en plus, ouvrit soudain sa porte, fit vivement deux pas dans le salon en étendant ses mains devant lui et s'écria, la figure bouleversée « Charles, Sophie, mon Dieu, qu'y a-t-il ? » « Mon père, » murmura Duterte avec accablement. « Le vieux, » dit Pascal, « bon, ça me va. »